Mes camarades, puisque vous m'avez fait confiance, il faut m'aider. En bâtissant le Sénégal, en affermissant l'unité achevée aujourd'hui, accomplie aujourd'hui. Voyez-vous, il y a 7 ans, au lendemain de l'indépendance, j'ai fait un rêve. J'ai eu une vision. Après m'être frotté les yeux avec l'huile de punaise verte comme le font les anciens serreurs. J'ai eu donc une vision, celle d'un Sénégal uni. Il y aurait en fait d'opposition, juste ce qu'il faudrait pour assurer la démocratie. Ainsi, par exemple, les étudiants anti-gouvernementaux pourraient en toute liberté conspuer le chef de l'État, mais dans les limites du campus universitaire. Ils pourraient même, dans des tracts vengeurs, confondre les crédits destinés aux élections, qui sont de 50 millions, et le budget du seul ministère de l'Éducation nationale qui se monte à 5 milliards et demi. L'opposition, légale ou clandestine, pourrait jouer aux intellectuels dans des salons dakarois très parisiens, très rive gauche, et s'attaquer au chef de l'État et même l'injurier dans des tracts courageusement anonyme. Car il faut, camarades, de tout cela, il faut que les Sénégalais puissent parler, il faut qu'ils puissent faire de l'opposition, il faut de tout cela pour un Sénégal démocratique où ils fassent bon vivre. Quant au président congolais, Marianne Ngouabi, c'est le 31 décembre 1969 qu'il offre à son peuple, en cadeau de réveillon, le PCT, Parti Congolais du Travail, 1 an après son accession au pouvoir et 8 ans avant son assassinat.